Jacques Futrelle, 1. La machine à penser. C'était absolument impossible. 25 maîtres d'échecs du monde entier, réunis à Boston pour les championnats annuels, avaient unanimement déclaré que c'était impossible. Et l'unanimité, sur un point donné, est un état mental inhabituel pour les maîtres d'échecs. Aucun d'entre eux ne voulait admettre un seul instant que cet exploit était à la portée d'un être humain. Certains s'emportèrent, d'autres eurent un sourire hautain et demeurèrent silencieux. D'autres encore déclarèrent simplement que c'était totalement absurde. Une remarque désinvolte de l'éminent scientifique et logicien, le professeur Augustus S.F.X. van Dusen, avait provoqué la discussion. Déjà dans le passé, ces remarques fortuites avaient provoqué d'âpres disputes. En fait, il avait déjà été au centre de controverses scientifiques. C'est en raison de son annonce modeste d'une hypothèse surprenante et peu orthodoxe qu'il avait été invité à quitter la chaire de philosophie dans une grande université. Plus tard, cette université s'était sentie honorée lorsqu'il avait accepté son diplôme LLD, Legum Doctor, titre universitaire de docteur en droit. Pendant une vingtaine d'années, les institutions éducatives et scientifiques du monde entier s'étaient amusées à lui décerner des diplômes. Il possédait des initiales qui représentaient des choses qu'il ne pouvait pas prononcer. De France, d'Angleterre, de Russie, d'Allemagne, d'Italie, de Suède et d'Espagne. Ceci exprimait la reconnaissance de l'importance de son cerveau dans le monde des sciences. L'empreinte de sa personnalité rebêche reposait lourdement sur une demi-douzaine de ses disciplines. Finalement, vint un moment où l'argument resta respectueusement silencieux face à l'une de ses conclusions. La remarque qu'avaient rassemblée les maîtres d'échecs du monde dans une dissidence si redoutable et unanime avait été faite par le professeur Van Dusen en présence de trois autres messieurs notables. L'un d'eux, le docteur Charles Elbert, était un passionné d'échecs. Les échecs sont une perversion éhontée des fonctions du cerveau, avait déclaré le professeur Van Dusen de sa voix perpétuellement irritée. C'est un pur gaspillage d'efforts. Plus grand parce que c'est peut-être le plus difficile de tous les problèmes abstraits résolus. Bien sûr, la logique le résoudra. La logique résoudra n'importe quel problème. Pas la plupart d'entre eux, mais n'importe quel problème. Une compréhension approfondie de ces règles permettrait à n'importe qui de vaincre vos plus grands joueurs d'échecs. Ce serait inévitable, tout aussi inévitable que 2 et 2 font 4, pas parfois, mais tout le temps. Je ne connais pas les échecs parce que je ne fais jamais de choses inutiles. Mais je pourrais prendre quelques heures d'instruction compétente et vaincre un homme qui a consacré sa vie. Son esprit est à l'étroit, lié à la logique des échecs. Le mien ne l'est pas. Le mien utilise la logique dans sa portée la plus large. Le docteur Elbert secoua vigoureusement la tête. « C'est impossible, » avait-il affirmé. « Rien n'est impossible, » avait déclaré le scientifique. « L'esprit humain peut tout faire. » C'est tout ce que nous avons pour nous élever au-dessus de la création brute. Pour l'amour du ciel, laissez-nous cela. » Le ton agressif, l'égoïsme intransigeant fit rougir le visage du docteur Elbert. Le professeur Van Dusen avait touché beaucoup de personnes de cette façon, en particulier ses collègues savants qui eux-mêmes, hommes distingués, avaient leurs propres idées. Connaissez-vous les buts des échecs, ces innombrables combinaisons ? Avait demandé le docteur Elbert. « Non, » fut la réponse irritée, « je ne sais rien du jeu au-delà du but général qui, je comprends, est de déplacer certaines pièces dans certaines directions pour empêcher un adversaire de déplacer son roi. Est-ce exact ?»« Oui, » fit lentement le docteur Elbert, « mais je ne l'avais jamais entendu dire de cette façon auparavant. »« Ensuite, si c'est correct, je maintiens que le vrai logicien peut vaincre l'expert des échecs par les règles purement mécaniques de la logique. » Je vais prendre quelques heures pour me familiariser avec les mouvements des pièces et vous vaincre pour vous convaincre. » Le professeur Van Dusen fixa sauvagement les yeux du docteur Elbert. « Pas moi, » dit le docteur Elbert. « Vous dites que n'importe qui, vous par exemple, pourrait vaincre le plus grand joueur d'échecs. Seriez-vous prêt à rencontrer le plus grand joueur d'échecs après vous être familiarisé avec le jeu ?»« Certainement, » déclara le scientifique. « J'ai souvent trouvé nécessaire de me ridiculiser pour convaincre les gens, je le referai. » Ce fut donc le début acrimonieux de la discussion qui éveilla les maîtres d'échecs et provoqua la dissidence ouverte d'hommes éminents qui n'avaient pas osé depuis des années contester toute affirmation de l'éminent professeur Van Dusen. Il fut convenu qu'à la fin des championnats, le professeur Van Dusen rencontrera le vainqueur. Il se trouvait que c'était Tchaïkovski, le russe, qui avait été champion pendant une demi-douzaine d'années. Après ce résultat attendu du tournoi, Hillsbury, un maître américain réputé, passa une matinée avec le professeur Van Dusen dans les modestes appartements de ce dernier à Beacon Hill. Il en sortit avec un visage tristement perplexe. Cet après-midi-là, le professeur Van Dusen rencontra le champion russe. Les journaux avaient beaucoup parlé de l'affaire et des centaines de personnes étaient présentes pour assister au match. Il y eut un petit murmure d'étonnement lorsque le professeur Van Dusen apparut. Il était mince, presque enfantin de corps, et ses épaules minces semblaient s'affaisser sous le poids de son énorme tête. Il portait un chapeau de la plus grande taille. Son front allongé ressemblait à un dôme et une masse épaisse de longs cheveux jaunes lui donnait une apparence presque grotesque. D'étroites fentes bleues remplaçaient ses yeux qu'il plissait éternellement à travers d'épaisses lunettes. Le visage était petit, rasé de près, dessiné et de la pâleur de l'étudiant. Ses lèvres formaient une ligne parfaitement droite. Ses mains étaient remarquables par leur blancheur, leur souplesse et la longueur des doigts minces. Au premier coup d'œil, on comprenait que le développement physique n'avait jamais été au programme des 50 ans de vie du scientifique. Le russe sourit en s'asseyant à la table d'échecs. Il sentait qu'il allait ridiculiser un excentrique. Les autres maîtres étaient regroupés à proximité, curieusement dans l'expectative. Le professeur Van Dusen débuta la partie par un gambit dame. À son cinquième mouvement, fait sans la moindre hésitation, le sourire quitta le visage du russe. Au dixième, les maîtres étaient devenus intensément impatients. Le champion russe jouait pour l'honneur maintenant. Le quatorzième mouvement du professeur Van Dusen fut un grand roc. « Vérifiez » a-t-il annoncé. Après une longue étude de l'échiquier, le russe protégea son roi avec un cavalier. Le professeur Van Dusen prit en compte le coup, puis se penchant en arrière sur sa chaise, le bout des doigts appuyé les uns contre les autres. Ses yeux quittèrent le plateau et étudièrent rêveusement le plafond. Pendant au moins 10 minutes, il n'y eut pas un son, pas un mouvement, puis « Mat en 15 coups », dit-il doucement. Il y eut un rapide soupir d'étonnement. Il a fallu plusieurs minutes aux yeux exercés des maîtres pour vérifier l'annonce. Mais le champion russe avait vu et s'était penché en arrière sur sa chaise un peu blanc et hébété. Il n'était pas étonné. Il pataugeait impuissant dans un labyrinthe de choses incompréhensibles. Soudain, il se leva et saisit la main mince de son compagnon. « Vous n'avez jamais joué aux échecs auparavant ? » demanda-t-il. « Jamais. » « Mon Dieu, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un cerveau. » une machine à penser. C'est un jeu d'enfant, dit brusquement le scientifique. Il n'y avait aucune note d'exaltation dans sa voix. C'était toujours le ton irritable et impersonnel qui lui était habituel. C'était donc le professeur Augustus S.F.X. Van Dusen, Ph.D., LLD, etc. C'est ainsi qu'il est devenu connu du monde entier sous le nom de la machine à penser. La phrase du russe avait été appliquée au scientifique comme titre honorifique par un journaliste, Hutchinson Hutch. Le surnom lui est resté.